Bonsoir. Dans Autant en emporte l'histoire aujourd'hui, Beaumarchais et la révolte des auteurs. Il est irrésistible sur ce tableau de 1755. Veste écarlate, jabot de dentelle, la chevelure poudrée. C'est son visage surtout qui séduit. Bouche sensuelle et dédaigneuse, regard aux aguets, cet homme visiblement pressé à l'élégance aristocratique. Par la grâce d'une riche veuve qui n'a pas résisté à son charme, en effet, ce fils d'horloger de la rue Saint-Denis à Paris est devenu Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. L'ambitieux aurait pu en rester là, mais non, il a encore mille et une choses à vivre, et vite. Tour à tour, et en même temps musicien, horloger, armateur, agent secret, éditeur, affairiste, coureur de dot aussi, l'aventurier Beaumarchais veut tout, fortune, plaisir, célébrité. Mais la gloire, la vraie, c'est le théâtre qui va lui donner. Avec le barbier de Séville et le mariage de Figaro, véritable ode à la liberté dans ces années de crépuscule pour l'Ancien Régime. Ce qu'on connaît moins, c'est le combat acharné et non moins glorieux mené par Beaumarchais en faveur des auteurs de théâtre, pour qu'enfin triomphe l'idée que les artistes et les intellectuels ont des droits. Idée qui, aujourd'hui encore, n'en finit pas de déranger. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Gilles Dussert, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été longtemps avocat, vous êtes aussi un spécialiste de Beaumarchais, un homme, un écrivain auquel vous avez consacré une impressionnante biographie, La machinerie Beaumarchais, ça s'appelle. Alors pour véritablement connaître la vie de cet homme aux mille facettes, il en faut du temps et de recherche, je suppose. D'où vous vient cette passion pour le père de Figaro ? J'avais été frappé par la différence d'interprétation entre les historiens et les littéraires. Je croyais à l'interprétation des littéraires, je ne croyais pas à l'interprétation des historiens. Et donc, par jeu un peu personnel, on va simplifier à l'extrême, j'ai voulu me pencher sur les quelques mystères entourant Beaumarchais. Pour donner un exemple, on ne savait rien de l'éducation qu'il avait reçue. Étant parisien, je parle de Beaumarchais, il était évident que le mystère ne devait pas être très éloigné. Et c'est comme ça que j'ai pu consacrer un chapitre entier à l'éducation qu'il a reçue, qui explique l'homme de théâtre. En ce sens qu'il a eu des maîtres prestigieux, dont un qui est celui qui est un des principaux encyclopédistes en matière d'éducation. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Diderot, 10 ans plus tard. Alors, l'histoire que je vais raconter dans un instant commence bien plus tard, en 1775. Beaumarchais, à ce moment-là, a 43 ans. Il s'apprête, il l'ignore bien sûr encore, à triompher à la Comédie française avec son Barbier de Séville. Impossible, bien sûr, de résumer ce qu'a été sa vie jusqu'alors. Mais pourriez-vous, Gilles Dussert, nous dire qu'est-ce qui a amené cet ambitieux vers la littérature, en dehors donc de cet épisode de sa jeunesse ? En dehors de l'éducation, il semble qu'il l'ait toujours eu, en ce sens qu'on a de lui ce que l'on appelle des parades, c'est-à-dire des textes très courts, qui sont des textes destinés à un théâtre de société, ce qu'on appelle théâtre de société pour vos auditeurs, c'est-à-dire à jouer en famille, en quelque sorte, qui sont des textes qui longtemps n'ont pas été réédités parce qu'ils sont un peu grivois, on les considérait comme tels encore dans les années 60. Et le Barbier de Séville n'est jamais que la troisième de ses œuvres, puisqu'il y a deux drames qui ont eu peu de succès, mais qui sont respectables. Et il en arrive au Barbier de Séville, au moment de ses 40 ans, et au moment où il a une expérience espagnole. Donc, le Barbier était destiné à la Comédie italienne. Pour des raisons obscures, la Comédie italienne ne le prendra pas. Il le modifie, il le présente aux Français. Ça n'a pas de succès. Il le remanie, il le passe de 5 actes en 4 actes, et c'est le succès qu'on connaît. Est-ce qu'il a fallu qu'il attende d'être noble, d'être riche aussi, pour pouvoir se lancer dans la littérature ? Il n'a jamais été noble. Il est devenu aristocrate quand même avec ce nom. Il est devenu aristocrate comme beaucoup d'aristocrates prétendus. Par son mariage avec une riche veuve ? Oui, et puis par les fonctions occupées auprès de la cour. Il aurait pu s'en contenter, c'est-à-dire arriver à ce stade, le fils d'horloger devenu courtisan, musicien C'est un fils d'horloger, mais c'est le fils de l'horloger du roi. Il a déjà toutes ses entrées. Louis XV portait une montre Caron. Donc il est un peu dans la situation de Molière. C'est-à-dire que Molière avait son père qui travaillait pour la cour, et lui, son père, travaille pour la cour. Simplement, le père de Molière a porté Molière, le père de Beaumarchais n'a guère porté son fils. En 1775, donc quand l'histoire que je vais raconter va commencer, où en est-il de sa vie, Beaumarchais ? Il est un peu perdu. C'est une existence qui est en fait une existence malheureuse. Si j'ai pu apporter quelque chose, c'est ça. On le prenait pour un fantaisiste. Or, c'est un homme souffrant. Quelle est cette souffrance ? S'il y a une part de sentiment dans le Barbier, c'est la rupture avec une très jeune personne sur laquelle il avait des vues. Il a cru à une affaire d'amour. Et le Barbier peut se décrypter comme l'abandon par celle que l'on appelle Rosine, mais qui en fait cache pour beaucoup de choses Pauline, la vraie Pauline, plus l'échec espagnol. Il avait passé un an en Espagne, il en était reparti très vite. Beaumarchais était quand même un grand amoureux. C'est pas pour ça qu'on a beaucoup d'affaires d'amour. Et de quoi vivaient les auteurs de théâtre avant la création des droits d'auteur dont on va parler tout à l'heure ? Donc, par exemple, je pense à Corneille, à Molière, à Racine, pour ne citer que les plus connus. Ben, il faudrait diviser ceux qui écrivent des drames et ceux qui écrivent des comédies. Souvent, ceux qui écrivent des comédies, on pense à Molière, sont des professionnels déjà, mais des professionnels d'une troupe. Oui, c'est-à-dire que Molière, il était Molière auteur, est mais un il comédien. Était comédien, c'est avant un, tout. C'est un comédien, d'abord, comme en tout cas. À une époque plus récente, Sacha Guitry a été un comédien qui a écrit pour le théâtre. Donc, le français avait l'habitude, le théâtre français avait l'habitude d'avoir le contrôle interne de ses comptes. Pour les autres, ceux qui écrivent des drames, c'est-à-dire Racine ou Corneille, Corneille a une profession, puisque Corneille est avocat, Racine a vécu de sa plume, je ne sais pas s'il avait de la fortune personnelle, je ne connais pas assez. Gilles Dusserre, nous poursuivrons cette discussion tout à l'heure, on se retrouve donc dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Beaumarchais, la révolte des auteurs, un texte de Corinne Clomp, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Pascal Deux. Décidément, mon barbier de Séville aura tout connu. La censure, les interdictions à la veille d'être joué, et maintenant, j'entends encore les sifflets du public dans la salle. Pour un écrivain, existe-t-il pire épreuve ? Les pièces de théâtre sont comme les enfants, conçues avec volupté, enfantées dans la douleur, elles donnent plus de chagrin que de plaisir. Est-ce une raison pour les renier ? Non, 100 fois non. Mais je reste lucide. La première représentation de ma comédie est une tragédie. Un formidable échec. Les facéties de ce bon Figaro n'ont pas fait rire. Enfin, si. À mes dépens. Ce soir, en quittant la Comédie Française, j'ai croisé nombre de mes amis, le regard gêné ou fuyant. Mais ce n'est pas fini. Dès demain, les critiques s'en donneront à cœur joie. Et moi, je vais travailler, pardi. Puisque les dieux du théâtre sont irrités, un sacrifice est nécessaire. Je vais taillader, saigner ma pièce, me mettre en quatre pour leur plaire. J'ai décidé de réussir, je réussirai. Impossible n'est pas Beaumarchais. Paris, 23 février 1775. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais saute dans son carrosse et se réfugie chez lui, rue de Condé. À 43 ans, il n'a pas encore connu la gloire au théâtre. Le Barbier de Séville est sa troisième pièce et sa première comédie. Elle met en scène le comte Almaviva, grand d'Espagne. Amoureux de la belle Rosine, il veut la ravir à son tuteur, Bartolo, vieillard jaloux à l'esprit étroit. Le comte sollicite l'aide de l'impertinent Figaro, son ancien valet devenu barbier. Cloîtré dans son bureau, Beaumarchais bataille avec sa pièce. Il supprime tout un acte, allège les scènes de farce grossière et 3 jours plus tard, sa nouvelle version triomphe à la Comédie Française. L'écrivain a su préserver le meilleur de cette œuvre qui raille la noblesse et valorise les idées des Lumières. Au fil des mois, le succès se confirme. Fin décembre 1775, Beaumarchais se rend à la Comédie Française, située à l'époque aux Tuileries. Avec son manteau de soie rouge et son grand chapeau à plumes, il a fière allure. il veut assister à une répétition entre le comédien Des Essarts, qui incarne Bartolo, et la charmante Louise Doligny, alias Rosine. Quel papier tenez-vous là ? Ce sont des couplets de la précaution inutile que mon maître à chanter m'a donné hier. Qu'est-ce que la précaution inutile ? C'est une comédie nouvelle. Quelques drames encore ? Quelques sottises d'un nouveau genre ? Je n'en sais rien. Les journaux et l'autorité nous en feront raison. Siècle barbare. Vous injuriez toujours notre pauvre siècle. Pardon de la liberté ! Qu'a-t-il produit pour qu'on le loue ? Sottise de toute espèce, la liberté de penser, l'attraction, l'électricité, le tolérantisme. Mais qu'y a-t-il ? Je suis désolé, Louise. Chaque fois, ce passage me fait sortir de mon rôle. Le tolérantisme. Quelle trouvaille ! Merci pour le compliment, Des Essarts. C'est ma façon détournée de rendre hommage à Voltaire et à son traité sur la tolérance. Beaumarchais ? Vous étiez là ? Depuis quand ? Depuis toujours, Louise. Si je le pouvais, j'assisterais à toutes vos répétitions, à toutes vos représentations. Je vivrais ici et je mourrais ici. Ah non, n'allez pas mourir, nous jouons ce soir. Et nous avons l'intention de jouer samedi prochain. Mais pour cela, il nous faut l'autorisation de monsieur l'auteur. Samedi prochain ? N'est-ce pas le jour où l'on donne une nouvelle tragédie à la cour ? C'est possible. C'est ennuyeux. Si le public est en train de pleurer à Versailles, il ne pourra pas être au même moment ici, aux Tuileries, à rire à mes insolences. Et ? Vous jouerez devant une salle vide. Monsieur l'auteur sera au supplice, car sa pièce vivra ses derniers instants. Donc vous refusez ? Oui. Autant je me sens honoré si la Comédie Française programme le barbier un bon jour, autant je suis chagriné si elle ne se souvient de lui que pour boucher un trou. Boucher un trou ? Quelle horreur ! Nous ne sommes pas des plâtriers. Non, Louise. Nous sommes des artistes, comme monsieur de Beaumarchais. Allons, mon ami, oubliez ma demande et votre chagrin. Les comédiens ne désirent qu'une chose, faire le bonheur des auteurs. Mensonge ! Fadaise, balivert ! Encore lui, avec sa perruque de travers. Dieu qu'il est vilain. Le bonheur des auteurs. Leur malheur, oui. Leur ruine. Pièce ? J'ai oublié un auteur, personne. Je suis personne, mais avec un P majuscule. N'approchez pas. Je fais rien de mal. J'écris. J'ai un rôle pour vous. C'est fort aimable, mais non. Ben vous avez tort. C'est un très, très beau rôle. Mais attention, très, très triste. Pitié, messieurs, faites quelque chose, il empeste. Je vais m'évanouir. Oui, venez avec moi, mon cher. Allons prendre l'air. L'air ? L'air de quoi ? Oh, enfin ! Allez, venez. Vous vous sentez mieux ? Oui. Non. Alors, cette eau glacée a réveillé ma colère. Que les comédiens refusent nos pièces, soit, et qu'ils nous épargnent leur sarcasme. Après m'avoir fait languir pendant plus d'un an, ils ont lu ma tragédie devant moi. L'enfer. Asseyez-vous. Ils pleuraient en me lisant. Beaumarchais. Il pleurait de rire, en m'assurant que mon œuvre était la comédie du siècle. Je suis navré. Le mot est faible. Ah, je suis choqué, outragé, révolté. Voilà comment la France traite ses écrivains. Je n'en peux plus. Je vais finir comme ce mendiant là-bas, isolé et méprisé de tous. L'auteur inconnu, méconnu, abandonné à la rue. Non, mon ami, ne vous découragez pas. Et que faire d'autre ? Écrire encore et toujours, écrire, bon sang. Fondée en 1680 sur ordre de Louis XIV, la Comédie Française, appelée aussi le Français, jouit de son monopole sur les textes et dicte sa loi aux écrivains. Sous l'Ancien Régime, Ces derniers touchent 1/9 de la recette après déduction des frais du théâtre. Si par 2 fois la recette est inférieure à un minimum fixé, la pièce tombe dans les règles. En clair, elle devient la propriété des comédiens, qui ont tout loisir de la reprendre sans l'accord de l'auteur et sans lui verser de nouveaux droits. Si Beaumarchais a sauvé son barbier, nombre de ses confrères dénoncent les intrigues du français pour faire tomber leurs pièces. Début 1776, leurs plaintes parviennent aux oreilles du maréchal de Richelieu. Ce lointain descendant du cardinal est l'un des premiers gentilshommes de la chambre du roi, chargé d'administrer les théâtres. Il reçoit Beaumarchais à Versailles. Ce boudin blanc truffé est un chef-d'œuvre. Vous voulez goûter ? Non, merci, maréchal. Je l'ai fait recouvrir d'amandes grillées pour le croquant et l'amertume. À propos de l'amertume, les écrivains de théâtre me causent du souci. Ils contestent mon autorité. Ils me réclament un nouveau règlement avec la Comédie française. Bref, c'est un cri général dans la littérature. Et pas seulement. La France entière fatigue sous le joug des privilèges. Quant aux auteurs, ils souffrent dans leur amour-propre et dans leur porte-monnaie. Mmh. Mais vous, Beaumarchais, souffrez-vous. Je vous vois fringant, conquérant, entouré des actrices les plus ravissantes. Je suis jaloux. Et j'en déduis que vos rapports avec le théâtre français sont excellents. Jusqu'à présent. Mais les comédiens ont droit de vie ou de mort sur nos pièces. Ils modifient des scènes dans notre dos, ils profitent des séances de lecture pour nous humilier. Oui. L'un de vos confrères a dû être interné à Charenton après avoir subi un déluge de moqueries. C'est fâcheux. Et c'est idiot. Nous respecter, c'est respecter la liberté de penser. Dieu sait combien elle vous obsède. Mon bien le plus précieux. Nous avons aussi un autre problème, celui des comptes. Impossible de les obtenir. Un auteur dont la pièce a rapporté 12 000 livres, il en est certain, s'est vu signifier qu'il devait de l'argent à la Comédie. Le monde à l'envers. Ça ne peut plus durer. D'autant que le public s'en mêle. Il se plaint qu'on lui donne en continu les mêmes vieux spectacles. Le public a toujours raison. Disons qu'il n'a pas toujours tort. Bien. Je vous confie une mission. Les comédiens vous estiment, les écrivains aussi. Vous allez mettre tout ce joli monde d'accord. Moi ? Diable, voilà une lourde tâche. Si j'en crois votre célèbre barbier andalou, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Oseriez-vous le contredire ? Jamais, maréchal. Je suis au service de mes personnages. Parfait. Voici le règlement actuel du français. Étudiez-le. Je vais demander aux comédiens de vous adresser leur livre de compte. Il est temps de régler ces conflits. Ils finiront par me faire perdre le sommeil. Ou pire, l'appétit. Il est temps surtout de permettre aux auteurs de vivre de leurs plumes. Écrire est un métier, comme un autre. Si vous le dites, je reprendrai volontiers de ce boudin. La mission de Beaumarchais commence mal. La Comédie française refuse de transmettre ses comptes, jugeant la requête indiscrète. C'est dire si la vénérable institution fait peu de cas de l'autorité censée la réguler. Richelieu n'insiste pas. Beaumarchais non plus. Il a d'autres soucis en tête. Infatigable, cet ancien horloger mène de front une carrière d'écrivain, d'homme d'affaires, d'agent secret et récemment de marchand d'armes. Sans compter les procès qu'il a en cours et une vie privée mouvementée, partagée entre sa compagne officielle, de 21 ans sa cadette, et ses maîtresses. Pour lui, le théâtre n'est pas une priorité, plutôt un délassement. Mais à partir du printemps 1776, il prend plus de place dans sa vie. J'ai commencé à écrire ma nouvelle comédie. La suite des aventures de Figaro, l'homme le plus dégourdi de la nation. Je m'amuse à égratigner les puissants. Je vais encore m'attirer les foudres des inquisiteurs de la morale. Tant pis. Le rire du public vaut toutes les cabales. Je me sens inspiré. Le barbier de Séville a dépassé les 30 représentations. Désormais, j'ai une bonne raison de demander aux comédiens le compte exact des recettes de ma pièce. À coup sûr, ils vont s'alarmer. J'hésite. Je n'ai pas besoin de cet argent pour vivre. Réclamer, c'est risquer de se brouiller, de ne plus être joué. Il y a la matière à refroidir le courage. Oui, mais depuis 10 ans, la situation des auteurs se détériore. Si la France perd ses écrivains, elle n'est plus rien. D'une oreille, j'entends la voix de la raison qui me souffle la prudence. De l'autre, j'entends celle de Figaro qui m'exhorte à faire à la fois le bien public et particulier et à me conduire en honnête homme. Mon excuse est dans mon malheur, seul, enfermé, en but à la persécution d'un nouveau dieu, mais fin crime de tenter de sortir d'esclavage. Louise, tu connais par cœur ton rôle. Allez, viens répéter dans mes bras. Ah, laisse-moi. Par ta faute, je vais rater mon entrée. Le public va me huer. Oh, étoile, Sévillane, depuis que tu es ma Rosine, tu n'as jamais failli. Admire ces bouquets, ils font de ta loge un jardin. Est-ce ainsi que l'on rendrait hommage à une piètre comédienne? Allez, petit imbécile. À une condition, tu offres, enfin, tu donnes ton barbier de Séville à la Comédie Française. Ah, te voilà muet? Non, je te réponds à la manière de Sganarelle. Je le veux donner si je le veux, et ne le veux pas donner si je ne le veux pas. Ce qui ne doit pas vous empêcher, ô comédien vénéré, de me donner la part des recettes qui me revient. Je l'ai demandé poliment ce matin à mon ami Désessard. Ah, tu es impossible. Mademoiselle Dorigny, en scène dans 5 minutes. J'arrive. Bien heureuse diversion. Tes deux premières pièces, tu nous les as données. Pourquoi pas celle-là? Souvent, écrivain varie, bien folle et qui s'y fie. Bon, eh bien, garde-la ta pièce. Combien de fois veux-tu qu'on la joue encore à ton profit? 2 fois? 10 fois? Après quoi elle nous appartiendra, c'est la règle. Mais quelle manie avez-vous d'hériter des gens qui ne sont pas morts? Pour vous appartenir, ma pièce doit faire une mauvaise recette. Vous devriez prier pour que cela n'arrive jamais. Beaucoup de tes confrères ont cet arrangement avec nous. Ont-ils le choix? Et ils en accommodent fort bien. Et moi, je demande que l'on joue le barbier de Séville 1001 fois à mon profit. 1001 fois? Dieu que tu es modeste. Ah, je ne sais pas ce qui me retient de massacrer ton texte. Ton talent? Oh. Mon ange, ne sois pas fâché. Allez, va, je te le donne. Ton barbier? Non, mon cœur. Oh, au diable les auteurs! Par la suite, les comédiens négocient avec d'autres écrivains pour les convaincre de leur céder leurs pièces au plus vite, en renonçant à leur part de la recette. La pression monte de tous côtés. Auréolé de sa réputation d'homme intègre, Beaumarchais croule sous les plaintes de ses confrères qui le supplient de se charger de leur cause. La Comédie Française veut désamorcer la révolte. Le 3 janvier 1777, dans son luxueux hôtel particulier de la rue Vieille du Temple, Beaumarchais reçoit la visite officielle du comédien Désessard. Cher ami, au nom du français, je suis heureux de vous remettre votre part d'auteur. Il y a là 4506 livres pour les 32 représentations du Barbier de Séville. Jolie somme, non? C'est une somme. Pour être jolie, il faut qu'elle soit juste. Elle l'est. Nous voulons que vous n'ayez jamais à vous plaindre de nous. Je ne me plains pas. Vérifiez, je vous en prie. Où est le compte? Quel compte? Tout est là. Oh, c'est ça. Quelle comédie exceptionnelle vous faites. Quel compte? Eh bien, les calculs pour aboutir à cette somme. Vous les avez? Alors, à vrai dire, les calculs sont un peu compliqués. Nous ne pouvons offrir qu'une cote mal taillée. Dommage. Car j'aimerais pour ma pièce une cote bien taillée, détaillée, à bordereau, qui pourrait empêcher à l'avenir toute contestation. Reprenez cet argent. Beaumarchais, ce que l'on dit de vous est vrai? Vous cherchez querelle à la comédie? Au contraire, je veux ramener la paix. Tordre le cou aux rumeurs qui accusent les comédiens, je cite, de s'acharner à léser les auteurs. Eh bien, à vous d'en juger. Mon ami, il suffit d'une franche explication entre nous, voilà tout. Si ces calculs vous incommodent, je m'en charge. J'ai la prétention de m'y entendre en affaire. Voilà 6 mois que j'ai vu Désessard. Je n'ai toujours pas reçu le bordereau de ma pièce. Les comédiens m'ont opposé 1000 faux fuyants, justifiant leur retard par les préparatifs du carnaval. Fort bien, je les ai laissés danser jusqu'à la fin du carême. Aujourd'hui, de 2 choses l'une, soit ils dansent encore, soit ils se repentent d'avoir dansé, car je n'entends plus parler de personne. Il y a là matière à rire, mais depuis que j'ai demandé le calcul exact de mes recettes, la Comédie Française a cessé de jouer le Barbier de Séville. Curieuse coïncidence. loin de me décourager, cette mise à l'écart renforce ma détermination et stimule mon envie de dénoncer les abus qui désolent notre société. À l'instar de Molière, je veux corriger les hommes en les divertissant. Ma future pièce, Le mariage de Figaro, avance à grands pas, plus vite que la cause des auteurs. Quant aux comédiens, je vais continuer à leur écrire jusqu'à obtenir satisfaction. Mi-juin 1777, Beaumarchais reçoit non pas une lettre du Français, mais une convocation du maréchal duc de Duras, premier gentilhomme de la cour du roi, chargé avec le duc de Richelieu de la gestion des théâtres. Membre de l'Académie française, Duras est un fervent soutien des comédiens. Il rencontre Beaumarchais à Versailles, dans le parc du château. Gredin ! Laisse-le ! N'avez pas peur des chiens ? Maréchal, je n'ai peur de rien. Pas même de la Comédie française ? Vous me contrariez, Beaumarchais. Mes amis, les acteurs, se plaignent. Ils disent que vous complotez leurs pertes et que vous avez refusé leur argent pour les traduire en justice. Selon eux, vous êtes un vrai... Gredin ? Pire ! Un méchant. Ça vous amuse. Fidèle à mon personnage de Figaro, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Pourtant, dans cette affaire, je me trouve plus idiot que méchant. Je ne complote pas. J'attends, depuis des mois, le bon vouloir de vos amis. Je leur demande mon compte détaillé, ce qui est légitime. En vain. Je suis un modèle de patience et de diplomatie. Un idiot, oui. Gredin ! Viens ici ! Ma parole, mais ce chien est bête. Il est dressé pour chasser le sanglier et il court après les lapins. Écoutez, je suis surpris. Votre version ne correspond pas à celle des comédiens. Ils vous font une réputation détestable. Et si je vaux mieux qu'elle ? Y a-t-il beaucoup de grands seigneurs qui puissent en dire autant ? Comment ? Est-ce pour moi cette phrase ? Ou plutôt, cette injure adressée à la noblesse ? Non, c'est pas une injure, mais une question. Une simple réplique tirée de ma future pièce, prononcée par cet insolent de Figaro. C'était pas moi qui parle. Vraiment. La censure se chargera d'en juger. Je ne reconnais pas d'autre juge que le public. Oh, Gredin a l'air d'être de mon avis. Ah, où s'enfuit-il encore ? Gredin ! Oh, je n'ai aucune autorité sur ce chien. J'espère que vous en aurez sur la Comédie française. Elle se sert des droits qu'elle possède pour usurper ceux qu'elle ne possède pas. Je sais. Et je crois qu'un nouveau règlement est nécessaire au théâtre. Je vous suggère d'en parler avec vos confrères pour élaborer un projet commun. Parfait. Je vais les recevoir chez moi. Rue Vieille du Temple. Gredin ! Non ! Pas les canards ! Enfin, Gredin ! Oh ! Réunir des écrivains. Sacré pari. Plus délicat que de s'entendre avec les comédiens. J'ai invité plus de 30 confrères à venir agréer ma soupe le 3 juillet prochain. J'ai reçu quelques refus. Certains se récusent par crainte de se compromettre. Un autre répond « Vous avez convié Monsieur X, or je ne puis dîner avec un auteur dont je méprise et la personne et les ouvrages. » Sans compter ceux qui ne veulent plus se mêler de rien. « Cher Beaumarchais, je suis dégoûté jusqu'à la nausée de cette troupe royale du français. Que Dieu nous en envoie une autre. » La défection qui me chagrine est celle de mon ami Diderot. Il dit se faire vieux, mais il me soutient. Puissent les littérateurs qui se livreront au théâtre vous devoir leur indépendance. Quant au refus le plus original, il est involontaire. C'est celui d'un jeune confrère. Actuellement en prison pour dette à cause d'un fripon d'huissier. Décidément, il serait bon que les auteurs gagnent un peu d'argent. Un nouveau règlement pour le français, ça ne servira à rien. Ah non, si, les comédiens s'essuieront les pieds dessus. Les pieds et le reste. Les amis, du calme. Aujourd'hui, nous sommes déçus et blessés. Mais les temps changent, je sens frémir la révolte dans toute la société. Le maréchal de Duras m'a assuré de son appui, profitons-en. Notre objectif est clair, exiger des comédiens une meilleure considération et arracher les écrivains à la misère. Beaumarchais, ne craignez-vous pas de compromettre l'honneur des lettres en combattant aussi pour des questions d'argent ? Mon cher Sedaine, merci de poser cette question. Au foyer des spectacles, on dit qu'il n'est pas noble aux auteurs de plaider pour le vil intérêt, eux qui se piquent de prétendre à la gloire. On a raison. La gloire est attrayante. Mais on oublie que pour en jouir seulement une année, la nature nous condamne à dîner 365 fois. Ouais. Bien dit, oui. Elle nous condamne aussi à loger sous un toit. Oui. Très juste. Nous sommes de beaux esprits, mais des êtres de chair et de sang. Il est temps que la Comédie française le comprenne. Mes amis, forgeons-nous un destin décent, équitable, indépendant, uni et libre. Voilà notre devise. Oui, oui. Uni et libre. En ce 3 juillet 1777, Beaumarchais fonde avec 21 confrères le Bureau de législation dramatique, premier regroupement d'écrivains qui deviendra en 1829 la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Désigné représentant perpétuel du Bureau, Beaumarchais s'attelle à la rédaction du nouveau règlement avec l'aide de Michel-Jean Sedaine, auteur de comédies à succès. Un mois plus tard, une fois le projet validé par ses pairs, il l'envoie à Duras, qui le transmet aux comédiens, lesquels se réécrit par principe. Pendant 2 ans, conseillés par leurs avocats, les comédiens sèment la discorde parmi les écrivains et manipulent tour à tour Duras et Richelieu. Entre-temps, Beaumarchais a achevé son mariage de Figaro, mais il renonce à le faire circuler par prudence. À l'été 1779, sous la pression de ses confrères, il menace Duras de traduire les comédiens en justice. Louis XVI doit intervenir. Opposé à l'idée d'un nouveau règlement, le roi se montre favorable à une redéfinition des conditions matérielles des auteurs. Fin septembre 1779, il adresse à Beaumarchais les livres de comptes de la Comédie française. Ah, des chiffres, enfin. Moi, fervent amoureux des lettres, je n'imaginais pas être à ce point ému par d'interminables calculs. J'ai consacré des mois à étudier les registres de la comédie, avec le sentiment d'effectuer pour mes confrères un travail fructueux. Puisse-t-il nous éviter les affres d'un procès ? Demain, je me rends aux Tuileries, afin d'exposer mes conclusions aux comédiens. Il me tarde d'entrer dans l'arène, comme à la veille de la première d'une de mes pièces. Au fond, quoi de plus naturel ? La vie est un théâtre. Prenez place. Ah, pardonnez-moi, j'étais retenu. Beaumarchais. Bonjour. Installez-vous. C'est ça. Maître, tu es en place. Bien. En ce 22 janvier 1780, je déclare ouverte l'Assemblée de la Comédie française en présence de Maître Gerbier, avocat de Paris, de Mademoiselle Deligny. Oh, cher des Essarts, quel ton solennel pour une simple rencontre entre gens de bonne amitié. Venons-en au fait. Nous vous écoutons. Alors, grâce à vos registres, j'ai pu établir un bordereau détaillé du barbier de Séville et calculer mes droits. Vous me proposez 4 506 livres, j'obtiens 10 474. Oh. Une erreur de notre part. Certainement, oui. Peut-être. Si je me fie au compte du barbier, chaque écrivain joué au français a perdu depuis 30 ans plus d'un tiers de ses droits. Grâce à la Comédie française, vous êtes tous sortis de l'ombre. Cela n'a pas de prix. Ah, si. Nous sommes en droit de vous réclamer en justice plus de 200 000 livres. Oh. En justice ? Vous plaisantez ? Sans nous, vous n'existez pas. Faux ! Nous pouvons faire lire et publier nos pièces. Tandis que vous, sans nous, vous restez, ma foi, sans voix. Beaumarchais, que voulez-vous au juste ? Je veux récupérer ce qui m'est dû au théâtre et le donner aux pauvres. Aux pauvres ? Mais il est fou ! Quant au bordereau du barbier, je veux qu'il serve de modèle pour les décomptes futurs, pour calculer la part de chaque auteur. Bien, nous allons méditer vos demandes. N'est-ce pas votre occupation depuis 4 ans ? La séance est levée. Des Essarts, quoi que vous m'opposiez, je ne me lasserai pas. Contre toute attente, Beaumarchais obtient satisfaction. Le 11 mars 1780, au grand soulagement de Duras et de Richelieu, un accord solennel est entériné par la Comédie française et le Bureau de législation dramatique. Le bordereau du barbier de Séville est joint au procès-verbal. Mais un mois plus tard, les auteurs apprennent qu'un nouveau pacte secret a été imposé par le français, puis validé à leur détriment. Sedaine, éclairez-moi. Est-ce la nature des comédiens de ne pouvoir vivre sans nous piller ? Qu'un accord signé de tous ne puisse étancher leur soif d'usurper ? Il y a plus grave. Le bruit court que vous avez comploté avec eux pour tromper les auteurs. Comment ? Certains confrères ont démissionné. Les ingrats. Je vais de ce pas les imiter. Qu'un autre prenne ma place. Je l'applaudirai. Calmez-vous. Me calmer? Depuis des mois, je porte tout seul le poids de notre combat. Les écrivains sont forts pour se plaindre. Mais pour ce qui est d'agir... Bon, Archer, nous avons besoin de vous. Oh, mon cher. Que diable allions-nous faire dans cette galère? J'ai tenu bon, vaillant soldat. Les comédiens ont encore tenté de me discréditer, mais le roi a tranché. Aujourd'hui, 9 décembre 1780, j'ai sous les yeux le nouveau règlement de la Comédie française qui ne satisfait personne. La cote mal taillée que je redoutais. Les écrivains seront mieux traités, mais les comédiens garderont leur emprise sur les pièces. Pour nous garantir la propriété de nos œuvres et le juste bénéfice de nos travaux, il faudrait une loi. Et pour abolir les privilèges qui gangrènent la France, une révolution. Pour ma part, j'ai décidé de me consacrer davantage à mon bien particulier, le mariage de Figaro. Depuis 2 ans, ma comédie moisit dans un tiroir, il est temps qu'elle prenne l'air. J'ai une folle envie de renouer avec le bonheur d'être joué. Le mariage de Figaro convoque des personnages du barbier de Séville. Le comte Almaviva, marié à Rosine, s'est épris de Suzanne, la femme de chambre. Mais elle doit épouser Figaro, le valet du comte. Abusant de son pouvoir, Almaviva tente d'empêcher la noce. Pour donner vie à sa comédie, Beaumarchais, le patron des auteurs dramatiques, redevient Beaumarchais l'écrivain. Les tensions s'apaisent avec les comédiens. En septembre 1781, sa pièce est lue à la Comédie française. Jusqu'en 1784, elle sera censurée 6 fois. Louis XVI l'ayant jugée exécrable, qui se joue de tout ce qui est respectable. Mais Beaumarchais organise la résistance. Il fait lire son texte dans des salons particuliers, cherchant des alliés parmi les puissants. Pour préparer ses lectures, il peut compter sur ses amis, les acteurs. Louise, voulez-vous lire ce passage souligné? Dans la scène entre Figaro et sa mère. Je l'ai retouché cette nuit. Moi, la mère de Figaro? Me voilà si vieille. Non, le temps d'une réplique. Bien. Dans les rangs même plus élevés, les femmes n'obtiennent de vous qu'une considération dérisoire. Leurrées de respects apparents dans une servitude réelle, traitées en mineurs pour nos biens, punies en majeurs pour nos fautes. Ah, sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur ou pitié. Bravo. J'ignorais que vous étiez remué par la cause des femmes. Je suis remué par de nombreuses causes. Les comédiens sont bien placés pour le savoir. Des Essarts, à votre tour. J'ai un peu modifié le monologue de Figaro. Dans le dernier acte. Lisez, je vous prie. Avec joie. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme ordinaire. Tandis que moi, morbleu... Attendez. Homme ordinaire, me semble... excessif. Homme... assez ordinaire, oui, c'est mieux. Mais pas suffisant pour dérider le roi. Cher ami, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Et il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Excellent. J'ai déjà entendu cela quelque part. Mais où? Quelques lignes plus bas, dans la bouche de Figaro. Beaumarchais parvient à ses fins. Le 27 avril 1784, le mariage de Figaro triomphe aux Français, situé désormais au théâtre de l'Odéon. Ce sera le plus grand succès théâtral du siècle. Et Danton dira à son propos « Figaro a tué la noblesse ». Visionnaire, Beaumarchais a anticipé la fin d'un régime à bout de souffle et la naissance d'un monde nouveau. La Révolution française de 1789 lui donne raison. Pour la Comédie française, rebaptisée Théâtre de la Nation, le vent tourne. Le 13 janvier 1791, la loi Le Chapelier permet aux écrivains d'interdire ou d'autoriser la représentation de leurs pièces dans la France entière et de percevoir les fruits de leurs œuvres pendant toute la durée de leur vie. ratifiée par l'Assemblée constituante, elle marque la naissance du droit d'auteur. Quelle victoire, mon ami! Vous l'avez enfin, votre loi. Notre loi, cher Seden. La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, la plus personnelle de toutes les propriétés et l'ouvrage fruit de la pensée d'un écrivain. Je ne m'en lasse pas. Monsieur de Beaumarchais? Monsieur de Beaumarchais, vous me reconnaissez? Je suis personne, l'auteur inconnu. Dans ce jardin, il y a 15 ans, je vous ai conté mes malheurs avec la Comédie française. Oui, je me souviens. Personne. Comment allez-vous? Ben, j'ai suivi vos conseils, je n'ai pas lâché. Et ma tragédie sera bientôt jouée, moyennant quelques coupes dans le texte. Hélas, à peine enterrée, la censure prépare sa résurrection. Mais peu importe, je vais devenir quelqu'un. Merci. De rien. Prenez soin de vous. Voilà un bel exemple de gratitude dont les comédiens pourraient s'inspirer. Ne rêvez pas. Avec eux, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Non. Ils se posent en victimes de la Révolution. Un rôle qu'ils joueront jusqu'à l'épuisement. Entre nous, je crois qu'il est plus facile de venir à bout d'une monarchie absolue que d'une troupe de comédiens. Mon combat pour les auteurs, j'en suis fier. Mais il n'est pas fini. Il couvre un champ plus vaste que la littérature. Son enjeu, c'est la liberté de penser, de s'exprimer, et la possibilité pour chaque citoyen de vivre du métier qu'il a choisi. Mon métier d'écrivain, je l'exercerai jusqu'au bout. Je termine l'ultime volet de ma trilogie, une comédie mêlée de drames, La mère coupable. La morale en est simple. Tout homme qui n'est pas né un épouvantable méchant finit par être bon. Je vieillis, le sérieux me gagne. Figaro est toujours présent. Valet, fidèle et rusé. J'ai créé son personnage à l'âge de 9 ans, dans ma première pièce. Par un heureux coup du sort, elle fut détruite tête dans un incendie. Figaro, c'est mon ami, ma muse. Dans les moments de doute, ses paroles m'apaisent. Et c'est à lui que je laisse, sans hésiter, le dernier mot. Forcé de parcourir la route où je suis entré, sans le savoir, comme j'en sortirai, sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Beaumarchais et la révolte des auteurs de Corinne Clomp avec Beaumarchais, Marc City, Louise Doligny, Louise Ory Diquero, Des Essarts, Scali Delpera, Personne, Antoine Herbulot, le maréchal de Richelieu, Pascal Parsa, le maréchal Duras, Serge Noël, Seden, Marc Prin et les voix de Quentin Barbosa et Othello Vilgar. Bruitage, Patrick Martinache. Enregistrement, montage et mixage, Cédric Chatelus et Antoine Vieussa. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Beaumarchais avec mon invité Gilles Dussert. Autant qu'on emporte l'histoire sur France Inter. Thank you. Shelter, Broken Bells sur France Inter, auteur l'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier. La programmation musicale est signée Thierry Dupin, à la technique Pierre-Yves de Rolin. Gilles Dusserre, la vie aventureuse de Beaumarchais, son ambition, pour ne pas dire parfois son arrivisme, sa richesse aussi, pourrait nous faire croire qu'il était égoïste, mais ses pièces de théâtre et son combat pour les auteurs révèlent un homme épris de liberté, de justice et capable aussi d'un combat collectif. C'est quand même un combat solitaire. L'association des hommes de lettres avec lui regroupe beaucoup de second couteau, comme on dit méchamment de nos jours, quelques têtes qui sont aujourd'hui très oubliées, comme Mormontel ou Chamfort, un homme de théâtre vrai comme Favart, un homme de théâtre vrai comme Sedaine, mais qui connaît encore Sedaine ? Oui, on connaît l'avenue, on connaît la salle Favart. Et puis, il y a les absents. Oui, il y a quelques grands absents, hein, cette réunion, ce fameux souper du 3 juillet 1777. On pourrait s'attendre à voir arriver Rousseau, Voltaire, Diderot. Il y a Rousseau avec lequel il n'avait pas de bon rapport, mais Rousseau, qui pour nous n'est pas un homme de théâtre, l'était à l'époque. On joue le devin de village constamment depuis les années 1750, depuis sa création. Il y a Voltaire, qui est le grand absent, mais qui a toujours eu un grand succès aux Français. Alors peut-être que c'est la raison pour laquelle Voltaire n'a pas suivi. C'est étonnant de Voltaire, notamment, parce que lui, dans sa vie, il avait quand même souffert c'est aussi. C'est étonnant. Il avait été jeté à la Bastille, il faut le rappeler, pour des vers irrévérencieux. Et quand il était sorti de la Bastille, il avait décidé qu'il deviendrait riche pour pouvoir écrire ce qu'il voulait, sans dépendre de personne, pour ne plus être un écrivain courtisan dépendant du bon vouloir d'un prince. Je n'en ai pas d'explication. Voltaire n'en est pas. Est-ce qu'on peut dire que l'existence de droit pour les auteurs appartient au combat pour la liberté d'expression ? Est-ce que pour Beaumarchais, d'ailleurs, est-ce que ceci avait son sens ? Elle est un combat, même au présent. Elle est un combat. Elle est très ancienne. Elle ne date pas de Beaumarchais, bien entendu. On en a des références dans l'Antiquité, sous forme de plagiat, notamment. On en a des références chez Martial au 1er siècle à Rome. Mais elle date surtout de l'invention de l'imprimerie. C'est tout le problème de savoir si le simple fait d'avoir acheté, prenons l'exemple du livre, le fait d'avoir acheté un livre, vous offre le livre. C'est ce que les juristes, le droit d'auteur, appellent la vente imparfaite. En ce sens que tant que ce n'est pas tombé dans ce qu'on appelle le domaine public, le livre n'est pas totalement, non pas à vous, mais vous ne pouvez pas en faire un usage qui soit contraire à la volonté de l'auteur. Oui, parce qu'il y a la question de la rémunération qui a été abordée dans cette fiction, mais il y a aussi la question de l'intégrité et aussi de la durée du droit de protection. C'est très ancien, ça. Cette lutte pour les droits d'auteur a été longue et épuisante, un combat de 18 ans, mais c'est la Révolution qui va vraiment consacrer l'idée de droit d'auteur, cette fameuse loi. Oui, c'est surtout le conventionnel Lacanal. Conventionnel Lacanal, en 1793, arrive à affiner une espèce de notion regroupant le droit patrimonial et le droit moral. Le droit moral, c'est celui qui, chez nous, est imprescriptible et qui permet de ne pas dénaturer l'œuvre. Comment Beaumarchais va-t-il accueillir la Révolution ? Il ne la comprend pas. Lui ? Le père de Figaro ne comprend pas la Révolution. Il faut se mettre dans l'idée que Beaumarchais sera par deux fois un agent de la monarchie, au sens d'agent secret, notamment dans l'aventure américaine. L'aventure l'indépendance américaine, oui. Et apporter des armes en faveur de la guerre contre l'Angleterre. Et avec un rapport que même de nos jours, les États-Unis ne comprennent pas. C'est très compliqué. La Révolution, il sera arrêté pendant la Révolution. Oui, il manque de peu d'être guillotiné. Vous parliez de ses amitiés féminines, c'est une amitié féminine qui va lui sauver la peau. Beaumarchais va mourir le 18 mai 1799 à l'âge de 68 ans. En 1777, on l'a vu, Beaumarchais et ses collègues auteurs ont créé le Bureau de législation dramatique, l'acte fondateur de ce qui deviendra plus tard la SACD en 1829. Depuis, le droit des auteurs de théâtre s'est élargi donc à la musique. Plus tard, au 19e, il va y avoir une internationalisation de cette protection grâce à Lamartine, à Victor Hugo. Et puis au 20e siècle, il y aura la télévision, le cinéma, la radio, de nouvelles technologies plus récemment. Et les auteurs doivent toujours se battre pour défendre leurs droits. Quels sont les enjeux aujourd'hui ? Les enjeux, il y a un enjeu dans le temps, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les droits d'auteur couvrent à la mort de l'auteur, disons, 2 ou 3 générations, puisque c'est 70 ans de la mort de l'auteur. Est-ce que ça tiendra ? La seconde question qui se posera, à mon avis, et je risque de faire hurler en le disant, c'est que je ne suis pas certain du tout de la pérennité de l'édition. C'est-à-dire, je ne suis pas certain du tout de la pérennité de l'éditeur. Car à l'heure actuelle, nous avons tous les moyens techniques de faire nous-mêmes un livre. Et c'est le problème de savoir ce que l'on fait d'une œuvre qui s'éteint. Merci Gilles Dusserre, votre livre. Votre livre La Machinerie Beaumarchais est paru aux éditions Rive-Neuve. À lire également les biographies de Beaumarchais par Maurice Levert en 3 volumes aux éditions Fayard et la biographie signée Christian Vasselin en folio Gallimard. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous reviendrons au XXe siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le parcours pour le moins atypique d'un jeune homme ambitieux qui a toujours su qu'il jouerait un rôle dans l'histoire de France, François Mitterrand, prisonnier de guerre, qui sous Vichy se mit au service de Pétain avant progressivement de s'engager dans la résistance gaulliste. François Mitterrand, de Pétain à De Gaulle, s'est dit dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.